Vous suivez la radio Isanganiro, bienvenue chez les auditeurs et auditrices, c'est Selouma du journal Langue Française et à la présentation Jean-Marie Mayonga et le Kuimana sur la mise en onde de tout d'abord les titres. 40 000 jeunes et femmes vont bénéficier de l'appui du fonds onusien pour le développement PNUD en partenariat avec les banques de jeunes et de femmes ainsi que le programme d'autonomisation des jeunes PAEJ. Déclaration ce lundi à Aoudo Aouna Ezia Konoa, la sous-secrétaire générale des Nations Unies et directrice CG régionale du PNUD en Afrique au Burundi en visite. Aujourd'hui, et les travaux de réhabilitation de la RN16 est dans son point critique sur la colline Murambi de la commune et province Lomongue sont au point mort depuis ce jeudi. Et les habitants de la capitale économique demandent la revue à la baisse des prix des produits de première nécessité. C'est appliqué ce dimanche, le ministère de l'Hydraulique et de l'Énergie et des Mines et revue à la baisse les prix des produits pétroliers. Voilà pour les titres et voilà encore une fois, bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. 40 000 jeunes et femmes vont bénéficier de l'appui du fonds onusien pour le développement PNUD en partenariat avec les banques des jeunes et des femmes ainsi que le programme d'autonomisation des jeunes PAEJ, bien qu'elle n'ait pas précisé le montant y alloué. Une déclaration ce lundi de Aouna Ezia Konoa, la sous-secrétaire générale des Nations Unies et directrice régionale du PNUD d'Afrique au Burundi à son arrivée à l'aéroport de Bujumbura pour cette mission officielle de 5 jours. Suivra, traduite en français par Mireille Kanyang. I'm really happy to be here. It's my very first visit to Burundi. I'm looking forward to... Premièrement, je suis très contente d'être ici pour la toute première fois au Burundi. Je vais apprécier les programmes du PNUD au Burundi, rencontrer les autorités de ce pays après des années de coopération. Il y a une nouvelle vision au Burundi. Je vais essayer d'en connaître davantage et essayer de voir comment le PNUD peut accompagner le Burundi dans cette vision 2040-2060. Les programmes que je vais lancer, c'est notamment un programme d'entrepreneuriat pour 40 000 jeunes et femmes. I'm hoping to launch with our country office here is an entrepreneurship program for young people where we're hoping to reach at least 40,000 youth. En marge de cette mission officielle, elle va également lancer le nouveau programme du Fonds mondial contre le paludisme, la tuberculose et le VIH/SIDA. Elle va en outre rencontrer des hautes autorités du pays, notamment le chef de l'État, ce mardi. Il rencontrera également la société civile. Les parlementaires ont des inquiétudes face à l'engorgement des prisons du Burundi. C'est appliqué la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, mais est annoncé que plus de 6 000 prévenus ont toujours des dossiers pendants sur les 13 000 qui regorgent les 11 prisons du pays. C'était lors de la présentation du bilan des activités réalisées par cette commission au cours de l'année 2023, présentée par son président. Les parlementaires ont voulu savoir ce qui fait qu'il y ait ce problème. Sixte Vigny Nemuraba a répondu que ce qui cause cette surpopulation carcérale et le fait que la loi n'est pas respectée chez la Irambon. Présenter le bilan des activités réalisées au cours de l'année 2023 par la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, c'est ce que le président de cette commission, Dr. Sixte Vigny Nemuraba, a fait à l'Assemblée nationale ce lundi. Dans son exposé, Dr. Sixte Vigny Nemuraba est revenu sur l'une des activités réalisées au cours de cette période, à savoir des visites dans 11 prisons qui sont éparpillées à travers le pays. Selon lui, ce que cette commission a remarqué est que, pour l'année écoulée, le nombre de prévenus a augmenté jusqu'à plus de 13 000 et que sur cet effectif, plus de 6 000 prévenus ont toujours des dossiers en cours. Il affirme que parmi ces prévenus se trouvent également des enfants. À ce propos, les parlementaires ont demandé au président de cette commission les raisons de cette surpopulation carcérale et ce qui serait, selon lui, la meilleure solution pour désengorger les prisons. Et de répondre que la meilleure solution serait que le ministère de la Justice ainsi que l'administration suivent la loi, signalant que ce rapport révèle que seuls 28% des prévenus ont été relâchés au cours des visites effectuées dans les prisons de l'État et que la CNIDH recommande d'élaborer des textes d'application à propos des travaux d'intérêt général pour que cette sanction soit mise en application afin de désengorger les prisons. Merci à Sheira Irambona. Les travaux de réhabilitation de la route nationale 16 est dans son point critique, et 6 sur la colline Murambi de la commune et province Rumonge sont au point mort depuis ce jeudi. Les habitants de cette colline et les conducteurs des véhicules interrogés disent que l'effondrement de ce point critique s'est poursuivi malgré les travaux obligeant l'arrêt de ses activités. Ils demandent l'achèvement des travaux pour éviter le pire. L'agence routière du Burundi exécutant ces travaux n'a pas encore réagi. Jean-Pierre Misago. Aucun mouvement à Murambi, au point où la route nationale numéro 16, reliant les chefs-lieux des provinces Rumonge et Bururi, s'effondre souvent entre les points kilométriques 10 et 11. Les camions mobilisés par l'agence routière du Burundi pour un nouveau remblaiement après le nettoyage de l'ancienne latérite n'y sont plus. Seule une niveleuse et un compacteur y sont garés et gardés par deux jeunes gens avec des tricots de l'agence routière du Burundi. Des témoins sur place parlent d'un arrêt des travaux consécutifs à un nouvel effondrement de la nouvelle latérite y déposée pour un nouveau remblement. Pour Célestin Niotwamana, habitant cette colline de Murambi, c'est une situation à laquelle il fallait s'attendre car, selon lui, on n'a pas résolu le problème par sa source. De son côté, Tite, un conducteur de voiture faisant le transport rémunéré Rumonge-Bururi, craint le pire avec cet arrêt des travaux dans cette zone où la déviation est déjà fragilisée avec le nettoyage de l'ancienne latérite. Il demande l'achèvement de ces travaux avant que de nouveaux accidents ne s'y produisent. Au moment où les usagers de cette route, de même que certaines des femmes de Murambi qui espéraient y être temporairement embauchées, se demandent sur la suite y réserver, la direction générale de l'agence routière du Burundi, contactée à ce sujet, n'a pas encore réagi. Jean-Pierre Misago depuis Murambi, Radio Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. Radio Isanganiro, journal continue. Le ministère de l'Hydraulique et de l'Énergie et des Mines a fixé ce dimanche 18 février les nouveaux prix des produits pétroliers à la pompe à Mairie de Bujumbura. Le litre de l'essence, qui s'achetait à 4 350 francs burundais, coûte depuis ce dimanche 4 000 francs burundais. Le litre de mazout, qui coûtait 4 235 francs le litre, coûte maintenant 3 925 francs burundais, tandis que le pétrole, qui s'achetait à 4 250, coûte actuellement 3 905 francs burundais. Cela fait suite à la baisse des coûts mondiaux des produits pétroliers ainsi que les coûts de transport maritime et de ces produits en provenance des raffineries vers le port de Dar es Salaam pour les livraisons du mois de février de l'année en cours. Et certains habitants de la mairie de Bujumbura apprécient positivement cette mesure. Ceux qui se sont exprimés sur nos micros ce lundi demandent que les prix du ticket de transport et ceux des produits alimentaires de première nécessité soient également revus à la baisse. Suivez-les. Nous apprécions positivement cette mesure. Nous, le bas peuple qui se donne corps et âme pour pouvoir nourrir nos enfants, nous voyons que les prix des produits alimentaires sur le marché sont chers. Un kilogramme de haricots, 10 kirundo, s'achète maintenant à 3 000 francs burundais. Avant, les commerçants disaient que c'est dû à la hausse des prix du carburant, mais comme ces derniers viennent de baisser, que ces produits alimentaires baissent aussi. Moi, je me réjouis de cette mesure que l'État revoit aussi à la baisse les prix du ticket de transport des bus qui vont à l'intérieur du pays et c'est aussi de la capitale. Les prix des produits alimentaires sont hyper chers sur le marché. On ne sait pas si c'est dû au carburant, mais qu'il soit revu à la baisse. J'apprécie énormément cette mesure, mais parfois les habitants ne voient pas la différence qu'avant c'était revu à la baisse. Le prix du ticket reste le même. Nous demandons que les produits alimentaires dont les prix avaient augmenté parce qu'on les déplaçait d'une province à une autre et qui nécessitent du carburant soient revus à la baisse afin que même les habitants voient une différence par rapport au prix sur le marché. L'association des femmes et ingénieurs appelle le gouvernement à sensibiliser les filles et femmes pour qu'elles embrassent la faculté de sciences et technologies dans l'enseignement supérieur. C'est après avoir constaté que cette catégorie de gens ne s'intéresse pas à l'enseignement technique supérieur. Jeannette Canet, représentante légale de l'association des femmes ingénieurs qui le dit, explique que ces femmes ne sont pas nombreuses sur le terrain, d'où il leur est difficile de gagner la vie. Suivez-la. Maintenant, c'est dû à quand est-ce qu'on a été à l'école, au choix qu'on avait fait comme études ou faculté de femmes. Les femmes ne sont pas nombreuses aussi dans la nature. Il faut une femme qui s'affirme, qui a vraiment un bagage assez solide. Il ne manque pas de travail. Elle est engagée comme un homme. Une femme qui est déjà engagée, le premier problème qu'elle rencontre, c'est qu'elle n'est pas tellement connue dans le secteur. Elle n'est pas très, très... C'est comme si elle occupe une place qu'elle n'est pas du tout la sienne. Il y a aussi les conditions de travail qui ne sont pas tellement adaptées aux besoins des femmes. Et puis, par exemple, sur le terrain, tu peux trouver 2-3 toilettes. Les toilettes des hommes et des femmes ne sont pas séparées. Ça gêne un peu les femmes. On est encore à une étape où on doit beaucoup plaider, on doit beaucoup travailler dur sur certaines pratiques pour que chaque femme se sente mieux et à l'aise dans son milieu de travail. Chaque femme déjà ingénieure doit plaider, doit changer son milieu de travail, doit préparer là où les petites sœurs, la jeune génération viendra. Ça ne va pas rendre le secteur attrayant pour les jeunes femmes ingénieures qui veulent se lancer dans le métier. Pour le gouvernement, je dirais, il faut mettre en place un système de bourse aussi destiné aux femmes. Parce que lorsque les femmes sont encouragées, je dirais, elles vont prendre cette considération que le gouvernement aussi a donné, parce que aller ailleurs ou travailler avec les gens de différentes cultures, ça ouvre aussi l'esprit des femmes. Et puis un programme d'incubation des femmes ingénieures qu'on peut mettre ici au Burundi, ça pourra aussi augmenter l'effectif, mettre en place aussi d'autres facultés d'ingénieurs selon les besoins que le Burundi a. Cela va permettre que les femmes auront beaucoup de possibilités de choisir dans l'une ou autre faculté ou métier. Jeannette Canetza, représentante légale de l'association des femmes ingénieures. Les nouvelles des provinces, les habitants vivant près du bureau de la régie de Zakayanza, à la colline Kilema où sont implantés des transformateurs d'énergie électrique, demandent que ces outils électriques soient déplacés, qu'ils soient clôturés avant que les accidents ne surviennent. Au niveau de la régie des eaux antennes Kayanza, Sébastien Ngendakumana, chargé de l'électricité, indique que la question a été déjà soumise à ses autorités hiérarchiques pour qu'elles trouvent solution. Toutefois, il appelle les administratifs à Kilema à intervenir, surtout en interdisant la population d'approcher ces transformateurs électriques. Patrick Sengyong. Ces transformateurs sont implantés derrière le bureau de la régie des eaux antennes Kayanza côté gauche. Bien que s'il des poteaux électriques se trouvant en face de ces appareils électriques est écrit danger de mort, à émettre près se trouve un sentier où passent seuls les piétons. Les habitants vivant près de ces transformateurs lancent les cris d'alarme à la régie des eaux pour qu'elle puisse déplacer ses outils ou clôturer la parcelle dans laquelle se trouvent ces appareils avant que des dangers d'accident aient lieu. Même alerte avec les jeunes qui se servaient du terrain qui se trouvaient en face de ces transformateurs pour jouer au football. Ces jeunes garçons disent que quand ils jouent au football et que le ballon tombe tout près de ces appareils électriques, qu'ils éprouvent beaucoup de difficultés à le ramasser. Un de ces enfants témoigne d'ailleurs que les derniers jours, un des enfants qui jouait à ce terrain a subi une amputation du bras pour avoir touché ces transformateurs. Au niveau de la régie des eaux antennes Kayanza, le chef chargé de l'électricité dit que la question de sécuriser ces transformateurs et la population en général a été déjà soumise aux instances supérieures de cette association dans la régie des eaux. Sébastien Tungimana demande qu'en attendant une issue favorable, que les administratifs à la colline Kilema puissent intervenir en interdisant la population qu'ils dirigent à approcher ces transformateurs du courant électrique. Depuis Kayanza, Patrick Sengiumba pour la radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique sport. Ces équipes subdivisées en deux poules de 8 équipes chacune s'affrontent chaque année dans le championnat national de football en deuxième division. Général de brigade de police Alexandre Mouyenge, président de la Fédération burundaise de football FFB, fit savoir que le premier club de chaque poule est qualifié directement dans le championnat de la première division Primus League. Il ajoute que la troisième équipe qui monte en première division est obtenue après le match de barrage qui oppose les deux équipes qui ont été classé deuxième dans chaque poule. Le point avec Jean-Marie Vianney, Gendakouman. Ce championnat de football de la deuxième division qui est organisé chaque année par la Fédération burundaise de football FFB regroupe 16 équipes en général qui s'affrontent dans la phase aller et retour. Général de brigade de police Alexandre Mouyenge, président de la Fédération burundaise de football FFB, explique que ces équipes sont groupées en deux poules A et B suite aux moyens financiers. Le championnat de deuxième division est organisé comme suit. Je dirais que au total, nous avons 16 équipes en deuxième division. Suite au problème des moyens financiers surtout, nous avons jugé bon de partager 16 équipes en deux groupes, groupe A et groupe B. C'est-à-dire que chaque groupe compte 8. Et ce tournoi-là, chaque groupe avec 8 équipes, les équipes jouent match aller-retour. L'équipe classée première dans chaque groupe est qualifiée directement dans le championnat de la première division au moment où la troisième équipe se qualifie après le match de barrage qui oppose les deux équipes qui ont été classées deuxième dans chaque groupe. Le premier de chaque groupe, il est directement en première division. Et puis la deuxième équipe de chaque groupe, donc les deux équipes vont jouer un match de barrage aller-retour. L'équipe gagnante accompagne les deux premiers dans la première division, dans la Primus League. C'est-à-dire qu'ils montent en première division. Les trois dernières équipes de première division sont reléguées en deuxième division. Selon le président de la FFB, après l'égalisation dans son match de barrage, les équipes peuvent faire la prolongation ou elles peuvent passer automatiquement au T-Lobby selon le règlement en vigueur régissant son championnat. Pour le match de barrage, il y a d'abord le règlement. Que ce soit pour la première division, deuxième division, il y a un règlement qui régit ce championnat. Alors, pour le match de barrage, ça dépend de quel article se trouve dans ce règlement. On peut décider qu'après égalité, on passe directement au tir au but. Ou bien, on passe à la prolongation. Si le score reste inchangé, on passe au tir au but. Donc, ça dépend du type de règlement qui est en vigueur durant cette période. Les arbitres du championnat de la première division ne sont pas les mêmes pour le championnat de la Ligue B. Malgré cela, général de brigade de police Alexandre Mouyenge indique que la commission chargée des compétitions peut utiliser ces arbitres de la première division lors des matchs à haut risque. Ils ne sont pas les mêmes. Il y a ceux qui sont pour la première division, je dirais arbitres professionnels ou bien arbitres qui ont des connaissances plus que ceux de la deuxième division. Mais là aussi, ça dépend des matchs. Il y a ce qu'on appelle match à haut risque. Si nous avons localisé un match à haut risque de deuxième division, nous pouvons prendre les arbitres de première division et viennent officier ce match. Sinon, chaque division a ses arbitres. Dans la prochaine chronique sportive, le président de la Fédération burundaise de football FFB nous parlera des prix décernés à l'équipe vainqueur du championnat de la deuxième division et certains défis qui s'observent dans l'organisation de ce championnat. Fin de ce journal et merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes. Au revoir. Yeah.